Néhémie, chapitre 7. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, « Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. » La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Misperet, Bigvaï, Nehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréoche, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Arash, 652, les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818, les fils d'Élam, 1254, les fils de Zatu, 845, les fils de Zakaï, 760, les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Asgad, 2322, les fils d'Adonikam, 667, les fils de Bigvaï, 2067, les fils d'Adin, 655, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils de Hachum, 328, les fils de Betsaï, 324, les fils de Harif, 112, les fils de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatote, 128, les gens de Beth-Azmavet, 42, les gens de Kirjat-Jéarim, de Képhira et de Béhéroth, 743, les gens de Rama et de Geba, 621, les gens de Mikmas, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 123, les gens de l'autre Nebo, 52, les fils de l'autre Élam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sénaa, 3930, sacrificateurs, les fils de Jedaéja, de la maison de Josué, 973, les fils d'Imer, 1052, les fils de Pachur, 1247, les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odva, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 148. Portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Hazupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Hagaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uzza, les fils de Pazéar, les fils de Bézaï, les fils de Mehunim, les fils de Nephishim, les fils de Bakbuk, les fils de Hakufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Mehida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamar, les fils de Netsiar, les fils de Hatipha, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokéret, Hatsebaïm, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélar, de Tel-Archa, de Kérub-Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avait pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 285 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 dariquets d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or et 2 200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2 000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville.